rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire. Je suis seul sur toi, je suis laid sur toi, comme une aveline. Dans un octroi, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quête de cœur. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Quand ma main saute le soir et que me laisse sur la mer, mon Dieu, ce soir je suis malade, parfaitement malade. Ta chiffre ne sait jamais bon, tu parles ne sait jamais où. Et ça va faire bien dans des sons que tu t'en Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faits qui semblent être heureuses. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les matins, pour que tu tendes à bon, je sais plus où. Tu es partout où je suis. Malade, complètement malade. Tu vas seulement t'entendre ton corps. Et je suis comme un oiseau mort. Comme toi, dit-on, je suis malade. De tous mes chants, tu m'as vidé tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent. À bon ta peau, c'est un moment. Tu si ça continue, tu connais la suite. Avec moi, près de ma radio, comme un casino. Écoute-moi, propre voix qui chantera, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laisse seul avec mon désespoir, je suis malade. Complètement malade.